Yeah, bumps on rocks. Back to the future. Ah, moi je n'arrive pas à dormir, je vais sortir pour faire du mal. Mais si tu perds ton temps, je suis un peu perturbé. Et pendant qu'il fait encore nuit, j'espère qu'elle soit encore là. J'ai le sommeil encore né, je ramène déjà l'heure à la maison. J'ai pas besoin de ton disque, pas besoin qu'on te dise, tu vas revenir à la raison. J'ai pas besoin de la fertiliser, pas besoin de ton buzz pour lui enlever ses parésies. Ouais. J'ai mon plan de secours dans la résine. Non, je risque pas de tromper ma musique. Oui, ma chérie, si tu veux t'amuser, viens, j'ai les jaloux sur mes côtés. Je sais que tu m'attends au tournant, je suis en 6.13. Tant je veux pas manger. J'ai les jaloux sur mes côtés. Je sais que tu m'attends au tournant, je suis en 6.13. Tant je veux pas manger. Je vais pas quitter mon barrio. Non, je vais pas quitter mon barrio. Des acteurs, je compte toutes les actions. Elle passe par mes proches, par mes potes pour me capter. Moi j'étais seul dans ma geôle. Ma gueule, je serai seul sur le trône. Sont les derniers à faire, toujours les premiers pour parler. À bander sur les vues, ils ont négligé le talent. Heureusement mes vaillants ont toujours su ce que je valais. Je ramène déjà l'heure à la maison. J'ai pas besoin de ton disque, pas besoin qu'on te dise, tu vas revenir à la raison. J'ai pas besoin de la fertiliser, pas besoin de ton buzz pour lui enlever ses parésies. Ouais. J'ai mon plan de secours dans la résine. Non, je risque pas de tromper ma musique. Oui, ma chérie, si tu veux t'amuser, viens, j'ai les jaloux sur mes côtés. Je sais qu'ils m'attendent au tournant, je suis en 6.13. Tant je veux pas manger. J'ai les jaloux sur mes côtés. Je sais qu'ils m'attendent au tournant, je suis en 6.13. Tant je veux pas manger. Je vais pas quitter mon barrio. Non, je vais pas quitter mon barrio. Tellement compliqué, mon gars, ouais. J'ai pas d'amour en fait, j'ai mes quatre tours en tête, j'ai du papier pour ma famille. Je pensais à l'éviter, mais je peux pas le quitter. Barrio. Il m'a pris mon temps et mon temps. Barrio. Il m'a appris à le faire, je m'endors avec le fer. Barrio. Je suis avec toi tout le temps, même si je peux tout perdre. Barrio.